jour de son fichier client, la régie des eaux a entrepris en collaboration avec Listebou un recensement de tous les points de livraison eau et électricité. Régie des eaux demande à tout abonné de faciliter aux agents de Listebou l'accès aux équipements de comptage eau et électricité et de leur fournir toutes les informations utiles. Dimanche 1er mars 2020, bienvenue à ce journal. D'abord, les titres. Grogne des agriculteurs des provinces Mubanza et Muyinga suite au manque criant de fertilisants pour lesquels ils disent avoir déjà payé l'argent au sein du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. L'on tranquillise que ces engrais vont leur parvenir à partir de la semaine prochaine. Vous l'entendrez dans ce journal. La vente des parcelles entre le lac Tanganyika et la route nationale numéro 3 en province de Lomongue est interdite à partir de ce samedi. Une décision qui est à l'issue d'une réunion du gouverneur de cette province à l'intention de toutes les partenaires concernés par cette question. Et la chronique nutrition de ce dimanche sera consacrée à l'igname qui contient des éléments nutritifs, à savoir le potassium et les glucides. Délicat d'Oga sur la mise en onde. Bienvenue à ce journal. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par la page agriculture. Les agriculteurs de la province de Mubanza se lamentent du manque d'engrais chimiques alors qu'ils ont déjà payé l'avance exigée. Ils disent que ce produit est cher chez les commerçants qui le vendent alors que c'est interdit à la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Mubanza. On explique que l'engrais de la saison culturelle BSC va être distribué dès la semaine prochaine. Les détails dans cette correspondance de Space Caritas Kamagata. En pleine saison culturelle B, les cultivateurs se lamentent et disent qu'ils n'ont pas eu d'engrais chimiques alors qu'ils ont payé l'avance exigée. Certains réclament les lots d'engrais pour la saison culturelle A, d'autres pour la saison B. Certains déplorent le fait qu'ils ont semé sans engrais et doutent des récoltes suite au manque d'eau fumure. Ceux qui le peuvent ont acheté l'engrais chez les commerçants qui le vendent à un prix très élevé, jusqu'à 60 000 ou 70 000 francs, le sac qui ne devrait pas dépasser 30 000 francs selon les mêmes cultivateurs. À la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Mubanza, on explique que tous les lots d'engrais de la saison A ont été distribués, à moins qu'il y ait des cultivateurs qui n'ont pas donné les jetons aux distributeurs. Willy Daikeza, directeur à la DPAE Mubanza, tranquillise également et précise que l'engrais de la saison B et de la saison C va être distribué aux cultivateurs dès le début de la semaine prochaine. Il met en garde les commerçants d'engrais et indique que la vente de ce produit est interdite. Spes Caritas Kavanyana, Mubanza, Radio Isanganiro. De Mubanza, rendons-nous en province Muyinga où des cultivateurs, qui attendent impatiemment les engrais chimiques exigent à défaut la restitution de l'argent déjà payé pour les commander. Le gouverneur de la province Muyinga a saisi à cet effet par quelques agriculteurs. Vendredi dernier, leur a demandé de patienter. Le directeur du bureau provincial de l'agriculture, élevage et environnement signale que les approvisionnements se font, mais en deçà des quantités commandées les détails avec Dieudonné Ziman. D'après des cultivateurs croisés devant le centre de jeûne en ville de Muyinga où se trouve le stock des engrais Difomi, ils passent toute une semaine à se présenter réclamer l'engrais commandé et payé. La réponse donnée est qu'il n'y en a pas dans le stock. Pourtant, on tarde à faire le semis pour la saison culturelle B. C'est indigne ce cultivateur dont certains se sont présentés devant le cabinet du gouverneur de la province Muyinga soumettre la doléance. C'était vendredi. Il ira conseiller de patienter. Le problème problème d'approvisionnement en engrais a d'ailleurs été soulevé lors de l'assemblée des natifs de Muyinga vendredi. Aline Mani Labarusha, gouverneur de la province Muyinga, a révélé avoir soumis la question au directeur de la société FOMI. Côté bureau provincial de l'agriculture, élevage et environnement, Roger Sendegeya précise que les approvisionnements se font, mais les quantités livrées sont insuffisantes si on tient compte des commandes, déclare son directeur sans préciser les tonnes toujours attendues. Muyinga, Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro. Merci à Dieudonné Nzeyimana. Le directeur général de l'agriculture au ministère de l'agriculture fait savoir également que l'engrais FOMI va être distribué à partir de la semaine prochaine au niveau national. Parlons toujours l'engrais chimique et le directeur général appelle la population de Guihanga à dénoncer les commerçants qui vendent l'engrais FOMI frauduleusement. Jean-Claude Mbarushimana, directeur général de l'agriculture au sein du ministère de l'Agriculture, le dit après qu'il y a un commerçant qui a été arrêté par la police et anticorruption, accusé de vendre le sac de 50 kilos d'engrais FOMI à 120 000 francs au lieu de 29 000 francs. Il ajoute que le prime est prévu pour celui qui dénoncera de telles informations. On l'écoute. Nous avions une information qui nous dit qu'il y a des commerçants qui sont en train de vendre l'engrais alors que c'est interdit par la loi parce que le gouvernement a mis en place un programme de subvention des engrais et pour effectivement appuyer les producteurs à avoir l'engrais à un coût accessible par toute la population. Et malheureusement, nous avons vu qu'il y a des commerçants qui vendent des engrais à un prix élevé, un sac qui coûtait à 120 000 francs, alors qu'au niveau du programme de subvention, c'est 29 000 francs. Donc vous voyez que vraiment une sorte de tricherie, c'est un vol qualifié, organisé. Alors nous lançons maintenant l'appel à la population, aux commerçants surtout, d'éviter cette sorte de tricherie. Nous lançons aussi l'appel à l'administration, à la police, de collaborer ensemble et aux services techniques pour que nous puissions arrêter cette forme de tricherie. Et en plus, nous avons entendu aussi des informations à l'intérieur du pays, à Muyinga, et surtout pour les provinces frontalières du pays, qu'il y a des commerçants qui vendent même les engrais vers l'extérieur. Alors nous lançons l'appel à tous ces responsables de ces provinces d'être vigilants et pour arrêter cette forme de commerce qui est en dehors de la loi, qui n'est que pour faire perdre l'argent des producteurs. La radio de l'avenir. Cap sur le sud du pays, suspension depuis ce samedi sur toutes les rives du lac Tanganyika en province Rumonge de toute vente de parcelles dans l'espace situé entre le lac Tanganyika et la route nationale numéro 3. Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge, a pris cette mesure lors d'une réunion organisée ce samedi à Gakora, en zone Kizuka, une réunion intervenue après une correspondance du directeur général de l'aménagement du territoire lui adressée pour lui demander de suivre de près les informations qui faisaient état d'un achat par un Européen de parcelles sur une vingtaine de kilomètres sur les rives du lac Tanganyika. Les détails avec Jean-Pierre Misako. Stop. Une parcelle achetée le 12 février dernier sur la colline Kizuka et qui rentre dans les 150 mètres délimitant la zone tampon du lac Tanganyika et celle-là qui est à l'origine d'un audio qui a circulé sur les réseaux sociaux que les rives du lac Tanganyika dans les zones Kizuka et Minago de la commune Rumonge sont vendues à un Européen. Selon l'administrateur communal de Rumonge, preuve à l'appui, le contrat d'achat de cette parcelle à 70 millions de francs burundais et qui est resté tenu secret jusque ce jeudi n'est connu que par l'administration collinaire qui le reconnaît d'ailleurs via le chef collinaire de Kizuka. Rugendo Ali, acheteur de cette parcelle, est connu au niveau de la société Savonor comme quelqu'un qui revend des parcelles à cette société. Mais, déclare le représentant de cette société dans cette réunion d'Ogakura, cette parcelle n'a pas encore été achetée par Savonor. En comprenant par cette parcelle de Kizuka, le gouverneur de Rumonge interdit dès ce samedi dans cette province toute vente d'une parcelle située entre le lac Tanganyika et la route nationale numéro 3. Alors que Rugendo Ali, acheteur de cette parcelle de Kizuka, réclame son dû, le gouverneur de Rumonge le renvoie au vendeur. Lors de cette rencontre, Niyongabo Samson, qui a alerté le gouvernement burundais contre ce qu'il a appelé une vente illicite d'une vingtaine de kilomètres des rives du lac Tanganyika à un Européen, n'était pas présent et personne parmi l'Assemblée n'a soutenu ses propos. Contacté, Samson Niyongabo déclare qu'il ne pouvait pas venir contredire publiquement ses supérieurs. Jean-Pierre Misago depuis Gakora, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago de Rumonge. Rendons-nous à Makamba où une élève de la 8e année de 20 ans nommée Nsengiyumva Sandrine s'est suicidée à l'aide d'une corde à son domicile sur la colline Kabondo de la commune Nyanzalak. Jacqueline Mawenayo, chef collinaire Kabondo, fait savoir que le mobile de ce suicide serait lié au fait que cette fille originaire de la province Bururi avait une grossesse non désirée. Après le constat, la police a évacué le corps vers la morgue de l'hôpital Nyanzalak et les enquêtes relatives sont déjà en cours selon toujours les sources policières. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le potassium et les glucides sont certains des éléments nutritifs contenus dans l'igname. Selon l'infirmier nutritionniste, la consommation de l'igname procure de l'énergie dont le corps humain a besoin. Jean-Paul Ouineda signale que la consommation de l'igname peut également réduire le niveau de cholestérol dans le sang. Par conséquent, il appelle la population à ne pas ignorer sa consommation de l'état avec Vestine Moutoy. Lors de la chronique précédente, vous avez entendu les différentes sortes d'igname ainsi que sa préparation. Aujourd'hui, l'infirmier nutritionniste Jean-Paul Ouineza fait savoir que le potassium et les glucides sont certains des éléments contenus dans l'igname. L'igname contient beaucoup de nutriments via des gaz de carbone, qu'on appelle les glucides, sous forme aussi de l'amidon. Et aussi, l'igname contient assez de vitamines, surtout la vitamine B1 et B6. Et d'autres vitamines. Il y a aussi la vitamine D qui se trouve dans l'igname. L'igname possède assez de minéraux, surtout le potassium, possède aussi beaucoup d'antioxydants, beaucoup de phytonutriments. Cet infirmier nutritionniste ajoute que la réduction du cholestérol dans le sang est l'un des avantages qu'apporte la consommation de l'igname. L'importance de consommer l'igname, c'est parce que l'igname contient assez d'antioxydants, contient assez de vitamines, contient beaucoup de glucides, de hydrates de carbone, à ce moment-là. Ça rend l'igname d'être un bon aliment pour notre organisme. L'igname pourrait prévenir contre certaines maladies, et surtout les artériosclérose, c'est-à-dire les dérèglements des artères, et aussi si nous possédons dans notre sang beaucoup de lipides ou bien des cholestérol LDL, parce que l'igname a une action hypolipémiante, ça permet de diminuer le niveau de cholestérol dans le sang. L'igname devrait être consommée généralement par tout le monde, de l'enfant de plus de 6 mois jusqu'à l'âge adulte, et spécialement par les personnes victimes des maladies cardiaques, Jean-Paul Ouineza l'explique. Les personnes qu'on appelle hypertendues peuvent en consommer en abondance. Les personnes qui doivent fournir beaucoup d'énergie lors du travail, les personnes peuvent en consommer en abondance. Et aussi, les personnes convalescentes peuvent aussi en consommer en abondance. Et des personnes qui veulent quand même se protéger contre beaucoup de maladies peuvent aussi en consommer en abondance. Il n'y a mais peut-être manger partout monde, il n'y en a pas d'autres mois comme ça à l'âge adulte. Jean-Paul Ouineza appelle la population à consommer l'igname pour une meilleure santé. Actualité internationale. En actualité internationale, au moins 2000 migrants supplémentaires sont arrivés ce dimanche 1er mars à la frontière grecque pour tenter de passer en Europe après que le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé l'ouverture de frontières par la Turquie au total. D'après l'Organisation internationale des migrations OIM, quelques 15 000 migrants ont afflué au long de la frontière gréco-turque. Selon le gouvernement d'Athènes, la Grèce a bloqué l'entrée de son territoire à 10 000 d'entre eux, une conséquence des menaces lancées par le président turc Recep Tayyip Erdogan de laisser sortir les réfugiés voulant se rendre en Europe. Et en Guinée, le président Alpha Condé a pris de court la classe politique en annonçant samedi 29 février un report de 2 semaines des élections législatives et du référendum sur la nouvelle constitution. Au lendemain de cette allocution, la classe politique et les habitants réagissent de manière diverse à ce report. Les deux scrutins sont contestés par l'opposition politique et la société civile qui estime que cette réforme, si elle est adoptée, ouvrirait la voie à un éventuel troisième mandat du président en fin d'année. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eli Kadog pour sa parfaite collaboration technique. Bonne journée à toutes et à tous.